des nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'était en 1971, au beau milieu d'une période très agitée dans toute l'Amérique latine. Le producteur Roger Pilaudin posait ses valises à Mexico pour une série d'entretiens avec plusieurs sommités locales, l'écrivain Carlos Fuentes, mais aussi l'anthropologue Fernando Benitez, l'un des plus grands spécialistes des populations autochtones que vous allez entendre dans quelques instants. Alors pourquoi parler de ces populations en 1971? Eh bien peut-être parce que, au-delà du folklore, au-delà des grands et des beaux discours officiels sur le métissage, la diversité de la nation mexicaine, ces peuples étaient à l'époque, et sont encore aujourd'hui d'ailleurs, maintenus à l'écart du progrès et du développement économique dans ce pays. Pourquoi? Quel rapport ces populations entretiennent-elles avec l'identité du Mexique? Eh bien, c'est Fernando Benitez qui nous l'explique dans ce cinquième épisode des Carnets mexicains par Roger Pilaudin. Entretien avec Fernando Benitez. Moins connu en France comme romancier que Carlos Fuentes, notre interlocuteur de ces jours derniers, Fernando Benitez est sans doute à l'heure actuelle le plus grand spécialiste des questions indiennes au Mexique. Ses ouvrages, entre autres citons Les Premiers Mexicains et Le Monde Enchanté du Peyotl, ont fait de lui l'historien incontesté d'un problème qui est loin d'avoir trouvé sa solution, celui des Indiens. Justement nommé par Fernando Benitez, Les Premiers Mexicains. Les Premiers Mexicains, c'est l'histoire des fils des premiers conquérants. Ce qui a passé avec cette première génération de Mexicains. Votre formation est celle d'un historien. Je commence comme historien, mais la situation de mon pays m'intéresse beaucoup plus le présent de mon pays que le passé. Et je suis avant tout, je crois, un journaliste. Vous savez, au 16e, la ville du Mexico, c'est une petite ville d'hommes blancs entourée des Indiens. Maintenant, il y a eu du million dans la ville, mais nous sommes entourés d'une ceinture de misère. Possiblement, il y a des millions de Mexicains qui vivent dans conditions subhumaines. Et il y a, bien entendu, un petit groupe, possiblement 2000 familles, qui vit avec une richesse scandaleuse de possiblement 1 million, en grande bourgeoisie et une classe moyenne de 3 millions. C'est la composition sociale de la ville. Quand avez-vous commencé à vous intéresser au problème des Indiens? Je commence à m'intéresser dans un voyage au Yucatan. Parce que la situation dans la presqu'île, c'est un cas limite. Il y a 80 000 paysans qui produisent le sisal et ils gagnent seulement 20 pesos à la semaine. Je suis surpris de voir la misère des descendants de les Mayas. J'écris un livre qui s'appelle « Qui ?» Le drame d'un peuple d'une plante. En réalité, c'est la biographie du sisal. C'est comme le sucre, c'est comme le café. C'est le sisal, c'est le minéral, etc. Et ces Indiens qui sont 80 000, dites-vous, sont les descendants des Mayas. Ce sont pères de famille. Il y a une demi-million de Mayas qui produit le sisal et qui vit dans les conditions plus misérables. Ils ont la beauté de Dieu, hein, et se sont exploités par un centaine de misérables. C'est un peu la situation de toute la campagne au Mexique. En quoi ces Indiens représentent-ils une civilisation originale à l'intérieur du Mexique? Je ne sais pas. Les Indiens, il y a 4 millions encore d'Indiens au Mexique. Il y a aux différents degrés de culture. Si vous voyez, par exemple, les Indiens dans les environs de la ville, vous trouvez des Indiens comme le fils de Sanchez. Il a peu de son ancienne vie magique. Mais si vous allez dans les montagnes lointaines, vous trouverez des tribus qui ont encore beaucoup de son ancienne culture. Évidemment, ils se sont coupés de la grande culture, non? Mais il y a encore un chamanisme, il y a encore des fêtes, il y a encore des cérémonies agricoles, il y a encore l'esprit ancien du chamanisme. Non? Qu'est-ce que c'est cet esprit ancien? L'esprit ancien, c'est considéré sacré. Beaucoup d'activités. Toutes les grandes activités de l'homme se sont sacrées encore, comme l'agriculture, comme la chasse. Toute activité essentielle de l'homme est sacrée encore, ce que j'appelle l'ancien esprit. Et du point de vue religieux, du point de vue des rites, est-ce que ces Indiens ont conservé ceux de leurs ancêtres? Oui, il y a une duplication quelquefois des rites anciens et des rites chrétiens. Et il y a généralement un phénomène de syncrétisme. Il y a une transposition des attributs des anciens dieux à la religion chrétienne. Parce que la religion chrétienne a eu une influence durable depuis le XVIIe siècle sur ces Indiens. Il y a un mécanisme différent. Par exemple, presque tous les Indiens ont accepté la figure de Christ, mais on l'a accepté parce que le Christ est très similaire à ses anciens dieux. Par exemple, ce que les intérêts du Christ, c'est son sacrifice. Tous les dieux Indien se sont sacrifiés lui-même pour fonder le nouveau ordre de la vie. C'était là le sens des sacrifices humains d'autrefois. Oui, exactement. Pour la rénovation des plantes, il faut tuer les plantes. Pour avoir la chasse, il faut tuer l'animal. Pour qu'il y ait de la vie, il faut que le Dieu s'est tué lui-même. Les mécanismes du syncrétisme, je crois qu'il peut s'expliquer de cette manière. Dans le croisement de deux cultures, une mythique comme l'indienne et autre historique comme l'espagnol, la culture espagnole perd son mémoire historique et s'est mythifié. C'est ce qui a passé avec le Christ. Les Indiens l'ont retourné à le commencement du temps, l'ont dépouillé de toute son marque historique. Et ce qui intéresse seulement, c'est son sacrifice, comme tous les grands dieux du panthéon aztèque. Se sacrifier lui-même pour fonder, comme j'ai dit, un ordre nouvel de vie. Est-ce que tous ces grands dieux du panthéon aztèque sont toujours présents dans leur personnalité, dans la mentalité des Indiens d'aujourd'hui? Non, ce sont disparus. Mais en réalité, les vieux dieux encore vivent. Par exemple, le dieu de l'agriculture, le dieu du nuage, le dieu de la chasse, le dieu qui les anthropologues français appellent les maîtres des animaux. L'étoile du matin, par exemple, il a encore une vie très forte et il constitue encore un patron culturel. Et le dieu de la guerre? Le dieu de la guerre, je crois qu'il est mort dans 1920, quand la dernière révolte des Indiens a été écrasée pour le président Calles. Mais ce sont les Indiens, depuis le siècle VIe jusqu'à cette date, les seuls qui ont lutté premièrement contre la couronne espagnole et après contre notre propre colonialisme. Parce que nous avons, vous savez, un colonialisme antérieur. Il y a encore 4 millions d'Indiens. Encore, il y a 50 langues différentes dans notre pays. 50 langues. Il y a 50 cultures, parce que une langue signifie une culture. Je peux vous donner une idée des Indiens, à part de son culture spéciale. Je dis que les Indiens, ce sont les paysans qui vivent dans les plus misérables terres d'un pays de mauvaises terres et qui tout ce qu'ils ont et tout ce qui produit cet objet de vol et d'exploitation. C'est ma définition des Indiens. Et les Indiens acceptent cette situation sans plus réagir maintenant. Alors que longtemps vous disiez qu'ils ont été l'âme de la révolte dans le pays, maintenant ils se sont complètement soumis. À quoi attribuez-vous cette soumission absolue des Indiens? Les Indiens, comme je vous ai dit, vivent dans les montagnes et dans les déserts. Quand il y a des écoles, il y a un grand effort pour construire des écoles. L'école et les travaux de l'Institut indigéniste a donné une conscience à les Indiens pour les faire comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre dans ces misérables villages, dans ces déserts, dans ces montagnes. Alors, chaque année, il y a des mille et des mille Indiens ou des paysans qui arrivent à les grandes villes pour chercher du travail. Un travail qu'on leur a plus ou moins promis? Non, pas promis. C'est une aventure. C'est ainsi que nous avons maintenant un grand problème. Ici, il y a une grande ville qui est la troisième du Mexique, avec 600 000 habitants. Sans eau, sans rue, sans conditions. C'est des Vindoville. Mais comment le gouvernement a-t-il pu laisser se développer des villes d'une pareille importance sans prendre les mesures sociales minimum pour que les gens qui venaient puissent au moins vivre? Ce n'est pas possible d'éviter la poussée de 4 ou 5 millions d'hommes désespérés qui ne peuvent pas vivre dans les montagnes ou dans les déserts. Vous savez que le Mexique, c'est la moitié du Mexique, c'est un pays désert. Nous avons construit pendant 30 ou 40 ans de grandes œuvres d'irrigation. Et maintenant, nous avons des millions d'hectares irrigués. Mais ici, les Indiens, ou seulement les paysans, ont des petits lambeaux de terre insuffisants pour vivre. Et par exemple, une demi ou une quart d'hectare. Et voici la suite des carnets mexicains de Roger Pilaudin, toujours en compagnie de l'anthropologue Fernando Benitez, qui évoque les conditions de vie et certaines traditions des populations autochtones du Mexique, notamment le culte du cactus sacré Peyotl. Entretien avec Fernando Benitez. Romancier, journaliste et historien des questions indiennes au Mexique, Fernando Benitez a commencé hier de nous décrire la situation misérable des millions d'Indiens mexicains repoussés au cours des siècles toujours plus haut vers les mauvaises terres et survivant difficilement sur les maigres champs que leur ont laissés les tout-puissants latifondistes. Que cultivent les Indiens sur ces petits champs, Fernando Benitez? Ils cultivent le blé, le maïs, les verdures, toutes les choses riches de notre pays. Mais il y a un phénomène étrange. Dans les seuls oasis du Mexique, dans cette terre irriguée, les minifundismes ont créé un nouveau latifundisme, beaucoup plus important que le latifundisme qui a détruit la Révolution. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont l'argent, qui ont les crédits financiers et qui louent ces petits fragments de terre pour faire de grandes extensions. Ils donnent de l'argent aux Indiens pour leur louer leurs terres. Ils les donnent en très peu et ils les emploient comme des ouvriers agricoles. Mais ils gagnent une misère en comparaison des les millions qui gagnent les loueurs des terres. Et en contrepartie, ils doivent cultiver ce que les grands propriétaires leur ordonnent de cultiver. Oui, et il y a autre situation. Ici, vous savez, il y a l'ejido, non? C'est une espèce de terre communale. Mais quand cette terre est de la propriétaire du paysan, il faut donner les produits de la terre. Par exemple, la canne à sucre, par exemple, le bleu, par exemple, le coton. Il faut les donner à les grands complexes industriels qui est de la propriété des banquiers ou de la propriété industrielle. Alors, toute la vraie richesse de la campagne, c'est dans les mains des grands monopolistes ou des nouveaux latifundismes financiers qui s'accréent pendant 20 ou 25 ans. Et quand a-t-on commencé d'attirer l'attention de l'opinion publique sur ces questions? La presse, généralement, ne s'occupe pas de ce problème parce que les nouveaux latifundisme ou la grande industrie agricole, ce sont les politiques qui ont toutes ces richesses. Ils ont les crédits bancaires, ils ont la machinerie agricole, ils ont les pouvoirs politiques, ils sont les propriétaires des transports. Alors, la situation, je crois, présente très peu de différence avec la situation du temps de la dictature de Porfirio Díaz. Seulement que dans le temps de Porfirio Díaz, il y a une population de 12 millions d'habitants et maintenant il y a une population de 50 millions. C'est un des problèmes majeurs du Mexique à l'heure actuelle. Oui, je crois que le problème, c'est surtout les problèmes paysans et surtout les problèmes de la moitié de la population qui n'a pas de travail, qui travaille seulement 4 mois chaque année. Il faut amener le grand capital à la campagne pour créer des réservoirs de l'eau, pour avoir des bétail, pour que les Indiens et les paysans occupent ces 8 mois perdus, ces temps perdus, en faisant des choses qui permettent le vrai changement du Mexique entier. En comparaison des problèmes culturels, ce problème, c'est beaucoup plus important pour le moment. Des jeunes ethnologues, maintenant, se sont penchés sur des problèmes de minorités ethniques, comme ça, dans d'autres pays d'Amérique latine, où l'on a résolu, d'une certaine façon, le problème social, mais où, malgré tout, en donnant nos habitudes à ces Indiens, on ne fait que repousser l'échéance de leur fin, en tant que civilisation. Oui, le drame est très vieux et le drame a commencé au siècle XVIe. Toujours un peuple primitif, voisin d'une minorité riche et occidentale, ses cultures sont destinées à mourir culturellement. Alors, le problème, ce n'est pas la survivance, presque impossible dans ces moments, de la culture indienne, c'est la survivance de l'homme, de la vie. À propos des Indiens, vous avez écrit un livre sur l'usage du peyote par les Indiens. Est-ce que c'est une chose qui a une certaine importance? Et pourquoi? Oui. Et qu'est-ce que c'est que le peyote, là, d'abord? Le peyote. Vous parlez beaucoup de peyote, votre grand poète Henri Michon. Le Mexique, c'est le paradis des drogues hallucinogènes. Nous avons le champignon hallucinogène, dit que s'est occupé Haim, le directeur du muséum. Nous avons le peyote, nous avons le toloache, nous avons l'ololuki. Il y a possiblement 100 000 ou 200 000 Indiens qui mangent rituellement toutes ces drogues hallucinogènes. Dans quel but? C'est pour récupérer le monde perdu, les communications avec les dieux, les communications avec les morts. Alors ce n'est pas par une très lointaine tradition qu'ils prennent ces drogues hallucinogènes. C'est un phénomène de compensation. Ils ont trouvé ça un moyen de s'évader de leurs conditions présentes. C'est ce que vous voulez dire? Non. Je veux dire qu'anciennement, c'est un mécanisme pour accéder au Dieu. mais c'est seulement un des moyens. Mais maintenant, pour 200 000 Indiens, c'est le seul moyen d'accéder au Dieu. Donc ces dieux leur sont aujourd'hui encore très présents, ou bien est-ce que c'est une manière d'échapper à leurs conditions? Ce sont les deux choses. Quand les États-Unis ont introduit les systèmes de réserve, a éclaté un grand mouvement parmi les Indiens américains qui s'appelle le péyotisme. C'est un mouvement messianique, une forme de repulse pour les champs de concentration, non, pour les réserves. Oui. C'est un mouvement qui est né ici au Mexique? Non, parce que les Indiens ont son religion et n'ont pas besoin d'inventer un grand mouvement religieux nouveau. Je crois que je suis le premier ethnologue du monde qui a fait avec les Huichol le grand pèlerinage annuel pour récolter les peyotes. Où se déroule ce pèlerinage? Il se déroule pendant 305 kilomètres entre la Sierra Madre occidentale du côté du Pacifique jusqu'à le grand désert de San Luis Potosí, où naît le peyote. Le peyote, c'est ce qui donne l'acide qui s'appelle mescaline. Et le vrai découvert du peyote l'a fait accidentellement, il y a 25 ou 30 ans, le grand poète Artaud. Vous savez, j'ai été un ami de Artaud quand il arrive au Mexique. Et il veut faire un voyage à la Tarahumara. Et dans la Tarahumara, il a mangé pour la première fois le peyote. Artaud a été le Cristóbal Colón du peyote. Après, l'ont découvert Huxley. Et après, une expédition qui a été payée pour cette grand mycologiste, Gordon Wasson, c'est un banquier de New York. Il a venu accompagné pour Robert Heim, le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et on écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Les champignons hallucinogènes du Mexique ». Mais pour cela, ils ont dû avoir des rapports très familiers avec les Indiens. Les Indiens font donc découvrir assez facilement aux autres les vertus de ces champignons. Je veux dire, ils n'ont pas tendance à les garder pour eux, comme on pourrait le penser. Avant de Gordon Wasson, avant d'Artaud, c'est un grand secret qui garde les Indiens. Malheureusement, maintenant, toutes ces matières sacrées sont profanées par une grande quantité de hippies américains qui arrivent pour accéder à l'ancien ciel aztèque. Pourquoi dites-vous profané? Pourquoi ne voulez-vous pas croire qu'il y a peut-être une correspondance secrète et inexpliquée entre les désirs des hippies américains et les besoins des Indiens du Mexique? Non, parce que aujourd'hui c'est un marché commercial. Les hosties ne se vendent pas, non? C'est un objet sacré, ce n'est pas un objet de commerce, non? Les mêmes Gordon Wasson et Heim se sont terrifiés de la découverte et d'avoir profané pour toujours cette matière sacrée. Thank you.